Life just got me happy. Come on, man. Cool joke. Y'a pas assez, donc j'reste pas assis. On fait ça pour les mapper ça. J'fais des sous, j'm'en fous de son fessier. J'veux pas tomber, donc j'vois pas lasser. Y'a pas assez, donc j'reste pas assis. On fait ça pour les mapper ça. J'fais des sous, j'm'en fous de son fessier. J'veux pas tomber, donc j'vois pas lasser. Bicra avant que j'sois pour finir en disco. Mec, la vie de charbon, crois-moi, c'est pas un choix. Bicra avant que j'sois pour finir en disco. Mec, la vie de charbon, crois-moi, c'est pas un choix. Bicra avant que j'sois pour finir en disco. Mec, la vie de charbon, crois-moi, c'est pas un choix. Bicra avant que j'sois pour finir en disco. Mec, la vie de charbon, crois-moi, c'est pas un choix. J'suis le macaque, le plus mal à la jungle, ça pue pour très cher et craque comme un Pringles. On a toutes les couleurs comme télé de bise. Fais pas les chromes, tu vas chanter comme j'accuse. Bellex, si tu ramènes les bleus sur nos côtes, si le 14 a des bleus sur le visage. Elle a mougou, mais son père veut la dot. Mais que tu racontes, tout le monde t'a sauté. J'suis dans la vie, sa mère. Moi, si j'prends 3 salaires, le guetteur qui s'abrasse. Bataille avec la passe. Allez, puis j'fais de l'espèce. Dans la ville, j'fais l'espèce. Soulève ta meuf comme Béné sur le deux temps. Commandant Uber juste avant la mi-temps. Les mecs de la hype essaient de nous imiter. Dans la rue sont petits comme Inimati. Mettre maman à l'abri c'est le minimum. Donc c'est pas vraiment temps pour gérer ses codes. Comme le canard puis tu cours après les sommes. J'avance de loin tout seul et pas le sol. Si t'as un mec de la ville donne pas de ce fort. On verra qui va sucer un peu plus tard. J'suis dans le sas mon pote tous les jours la routine. J'aime trop ses fesses te plaît présente moi ta copine. Vendeur de cesse dans Paris roule en grosse berline. Tu donnes l'espèce, mon pote, prépare ta ventoline. Y'a pas assez, donc j'reste pas assis. On fait ça pour les mapper ça. J'fais des sous, j'm'en fous de son fessier. J'veux pas tomber, donc j'vois pas lasser. Y'a pas assez, donc j'reste pas assis. On fait ça pour les mapper ça. J'fais des sous, j'm'en fous de son fessier. J'veux pas tomber, donc j'vois pas lasser. Tu travailles tes choix pour finir en disco. Mec, la vie de charbon, crois-moi, c'est pas un choix. Tu travailles tes choix pour finir en disco. Mec, la vie de charbon, crois-moi, c'est pas un choix. Tu travailles tes choix pour finir en disco. Mec, la vie de charbon, crois-moi, c'est pas un choix. Tu travailles tes choix pour finir en disco. Mec, la vie de charbon, crois-moi, c'est pas un choix. WSMG, why do you have this? I have this. I have this. I have this. I have this.